m'appeler Rosette. Un meilleur ami, une copine, qu'est-ce que j'avais l'air chouette. Attache-moi. Je vais tuer tous tes amis. Attache-moi. Je vais piquer ta copine. Trois ans n'ont pas suffi. Apprendre le coup le plus fort. Trois ans n'ont pas suffi. Apprendre ton cœur. Rosette est morte, adieu père du camp. Rosette est morte, adieu père du camp. Rosette est morte, adieu père du camp.